Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr pour le 43e numéro du MAG du 5 avril 2016. Cette semaine, comme chaque semaine, nous reviendrons sur l'actu des comics en VO mais aussi en VF et également sur les news concernant les adaptations télé et ciné. La saison des conventions est en approche, les news sont plutôt en petit nombre pour le moment, mais c'est pas grave, on a quand même de quoi discuter. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 43e numéro du MAG. Et avec moi cette semaine, on retrouve presque la configuration classique. Arnaud. Salut. Et Clément. Salut. On va commencer comme d'habitude par la télé. La télé, décidément, depuis plusieurs semaines, c'est un petit peu pauvre, il ne se passe pas grand-chose. On a juste quelques petites choses en bref dont on aurait pu parler, mais on ne va pas s'attarder spécialement dessus. 30% d'audience en plus pour Supergirl grâce à Flash. Normal. Ça va vite baisser. Quand même, on verra la semaine prochaine, exact. Je suis le seul à l'avoir vu. Oui. Ouais. Bon, moi j'ai trouvé bien cool. Mitchell Kamen et Patrick J. Adams dans Legends of Tomorrow. Youpi, ah. Ou pas. Le premier pour jouer Heatwave version enfant et le deuxième pour jouer un personnage mystère. Mais que diable est-il allé faire dans cette galère? C'est ça. Enfin, Suits continue ou pas? Non, c'est terminé. Ça, c'est fini. Enfin, ça, c'est la dernière saison qui va démarrer. Ceci explique peut-être cela. Il essaye de se recaser. Il n'a pas choisi la meilleure option. Non. Superboy peut-être dans la saison 2 de Supergirl. Mais il avait pas déjà été annoncé dans la saison 1. Depuis que Cadmus a fait son apparition, on se doute qu'il... Voilà. Mais je me souviens qu'ils avaient annoncé qu'ils recherchaient un gosse pour apparaître, pour qu'il joue Superboy. Hein. Ah, moi j'avais compris que c'était pour jouer Clark Kent enfant, ce fameux gamin. Ah. Donc, ouais. Non, Superboy, ils ont envie... peut-être qu'il apparaîtra, mais ils ont envie de prendre leur temps avec Cadmus et compagnie, qui seront visiblement beaucoup au centre de la saison 2. Donc, puis il faut se terminer avec, comment il s'appelle, Maxwell Lord. Le fou, un grand méchant. Il faut en finir avec lui avant. Et puis non. Jessica Henwick, qui jouera Colin Wing, plutôt dans la série Iron Fist. Ils sont plutôt discrets pour le moment. Ouais. Alors que le tournage démarre bientôt. Et puis une pétition que Clément s'est empressé de signer pour la sortie DVD de Constantine. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on en a besoin? Non. Non. Non, évidemment, ça mérite un Blu-ray. On est d'accord. Quand on voit que certains films dont on va vous parler jeudi sont même pas sortis en DVD. Ça, c'est honteux. Et puis quand même une petite dernière surprise. Riverdale a terminé le tournage de son pilote. Je suis visiblement le seul à être enjoué autour de ça, mais vu qu'il n'y a rien du côté de la télé, hein, on va, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos, voilà, et on sera fixé, alors, d'après certaines sources, en mai, j'espère avant. Et le site que tu disais, annoncé le 19 mai parce que c'est le upfront, mais en général, on le sait quand même quelques jours avant, souvent la veille. Ouais, enfin, 18 ou quelques jours avant. 18 ou quelques jours avant. Ça ne changera pas grand chose. Mais le upfront, c'est surtout pour montrer les images. Vivement, quand on voit les photos de tournage, on a envie de voir des images en mouvement. Bon, je suis le seul à être emballé, donc voilà, j'ai bien compris. C'est hein. Ça. Bon, je le regarderai, mais être emballé à ton niveau, non, pas du tout. Eh ben, c'est pas grave, je vais vous parler du comics VF de la semaine alors. Batman des cris dans la nuit. C'est sorti vendredi 1er avril chez Urban Comics. Alors le prix, je crois que c'est 15€, mais je suis pas sûr. Histoire de Archie Goodwin, décidément Archie est partout. Et... Scott Hampton, qui date de 1992, qui est une histoire un peu à part. J'ai pris ça mort vraiment parce que j'étais intrigué par le format, qui est un peu format BD, puis par les dessins à l'intérieur qui sont de la peinture. Et en fait, c'est une enquête de Batman en mode vrai détective qui va aider Gordon dans une enquête concernant des meurtres. Plusieurs familles sont tuées. On retrouve d'abord toute une famille morte, donc les deux parents plus l'enfant, et puis après plusieurs couples de parents qui sont assassinés hyper violemment. Parallèlement à ça, Bruce Wayne sponsorise un centre de, comment dire, d'aide pour les enfants victimes de maltraitance, et rapidement les deux éléments de l'intrigue vont se croiser, c'est-à-dire que les meurtres, on va s'apercevoir que c'est lié à des enfants, des histoires d'enfants maltraités, et c'est hyper violent et à la fois hyper, presque étouffant. Enfin, on sent vraiment quand on lit ça un truc C'est lourd, c'est hyper lourd à lire. Le sujet de l'enfance maltraitée, j'ai pas souvenir de l'avoir lu dans un comics Batman et même dans beaucoup de comics en général. Et alors là, c'est traité de manière très très juste. Hein. C'est voilà, c'est Batman qui est confronté. C'est pas un super vilain quoi qui est face à lui. C'est des gens normaux. Ouais. Et la personne qui exécute ses parents, etc. Voilà, forcément. Est-ce que quelque part cette personne ne fait pas la justice à sa manière? C'est aussi une des questions qui va être posée. Donc voilà, c'est, je m'attendais pas du tout d'abord à tomber là-dessus, puis ensuite à l'apprécier autant. C'est vraiment très très bien écrit. 96 pages, hein, c'est petit, c'est un graphic novel. 96 pages, c'est de la peinture au niveau du dessin. Alors de la peinture, voilà, hyper là aussi oppressante, hyper sombre. Ouais. C'est très très particulier dans le style graphique, mais ça colle bien à l'histoire qui est vraiment voilà du Batman comme on n'a pas l'habitude de le lire, comme on n'a peut-être plus l'habitude de le lire non plus avec Scott Snyder et ses récits très blockbuster. Voilà, là on est dans quelque chose d'un peu plus intimiste, un peu plus grave, et ça fait du bien de revoir Batman comme ça, je trouve. Donc je vous le conseille vraiment. Il vient de sortir sur Urban Comics. Je crois que c'est pour 15 euros. 14. 14. Encore mieux. Donc voilà, allez-y, ça vous fera un Batman un peu hors continuité, mais pas inintéressant, bien, bien au contraire. Enfin, on va remonter le moral de cette émission après avoir parlé de ce sujet très joyeux. Et on va rester sur les comics VF. On commence le mois d'avril. C'est un mois d'avril qui va être hyper chargé en sortie. Vous avez vu la checklist, elle est juste impressionnante, à croire qu'il y a un salon à Paris qui va se passer ce mois-là. Je sais pas, au moins, j'ai même pas compté le nombre de sorties, mais on n'est pas loin de 50. Hein. Ouais, c'est Rien, vrai. rien, rien, peut-être même plus, hein, rien que pour ce mois-là. Donc la mission que je vous ai donnée, c'est dans cette liste de choisir les trois titres qui vous intéressent le plus, ou alors que vous recommandez si vous les connaissez parce que vous avez déjà lu en VO, histoire de faire un peu un tri là-dedans, parce que c'est très fouillis tout ça. Arnaud, tu as choisi, toi? Le premier tome de Suiciders qui sort chez Urban. Et parce que déjà c'est Liber Mero, un auteur que j'aime beaucoup, qui fait de très bons récits. Et donc je l'ai pas lu en VO, mais je suis très bon, intrigué par l'histoire. Et puis c'est Liber Mero que j'aime beaucoup. Et j'ai lu de bons avis à sa sortie il y a un an. Il me semble que c'était il y a un an, plus ou Oui, moins. à peu près, oui. Donc j'étais intrigué et ça sort le 22 avril pour 15 euros. Et les deux autres histoires que j'ai choisies, c'est les deux livres que va publier Bliss Comics, le nouvel éditeur de Valiant. Parce que déjà, c'est un univers que je connais pas et ils sortent deux récits d'un scénariste que j'affectionne beaucoup. Jeff Lemire, donc rien de tel que pour commencer un nouvel univers. Et donc c'est le The Valiant, déjà c'est une mini-série et ils sortent les quatre numéros en un tome, hein, le 28 pour 10 euros. Faut noter que le prix de lancement à 10 euros, c'est quand même pas mal pour quatre épisodes surtout. Et le suivant, il y a un épisode en plus, c'est les 5 premiers numéros de Bloodshot Reborn, hein, toujours écrit par Lemire et qui sont toujours aussi vendus à 10 euros. Donc pas mal quand même pour un lancement, surtout pour le lancement d'un éditeur en même temps. Oui, voilà, on en a parlé déjà les semaines précédentes. Leur politique de tarif aussi sur le numérique est très intelligente. Donc voilà, pour le moment, le lancement en tout cas est réussi. Maintenant, à souhaiter que les lecteurs suivent. Parce qu'on peut prendre les meilleures décisions du monde. Derrière, il faut que les lecteurs suivent et soutiennent. Dispo le 28 avril, tu l'as dit, mais dispo dès le 15 à la Ah, ça c'est PCE sur le centre de Bliss Comics, qui invite également Paolo Rivera, un dessinateur de The Valiant. Je crois que c'est de The Valiant. ouais. Et même dès le 14 dans une librairie parisienne dans laquelle Paolo Rivera fera une dédicace. Ah bon? J'ai pas vu ça. Donc voilà, vous pouvez dès le week-end du 14-15 vous trouver déjà ces deux premiers tomes et commencer à soutenir Bliss Comics. En tout cas, moi j'y crois. Est-ce que Clément, si ces trois boules-là avaient été choisies, n'avaient pas été choisies, tu en aurais pris un? Ouais, sûrement Suiciders, parce que Que t'avais ça. lu un peu en VO, toi, je crois, non? Non, pas, même pas, mais parce que c'est Ah, je t'avais Liber Mero et que pareil qu'Arnaud, j'aime beaucoup J'aime beaucoup cet auteur et ouais, sûrement les titres Valiant parce que c'est quelque chose de nouveau, que ça arrive en France et ça fait découvrir du nouveau comics indé. Du coup, c'était pris, mais tu as choisi, toi. Moi, c'est vraiment plus ou moins par défaut parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui me tentait. J'ai pris Batman Univers 2 donc, qui sort le 8 avril. Donc en fait c'est très con, c'est pas parce qu'il y a le titre Batman dedans, c'est juste parce qu'il y a Robin, Son of Batman et que c'est très bien, enfin qu'il faut lire et puis je dirais Grayson. pas qu'il y a aussi parce qu'il y a Grayson parce que je ne sais pas ce que ça vaut, je l'ai pas lu. D'accord. Ben moi je dis Grayson aussi. Ouais, Ça vaut voilà. le coup. Mais il y a Batman de Snyder avec le Bat-Armure. Oui, mais après, enfin j'ai pas, je suis complètement à la bourre sur la BO donc je dois avoir 3-4 mois de retard, j'ai pas lu. La fin de ce que fait Snyder. Après, c'est déjà un peu mieux, c'est un peu plus intéressant, mais il y a ouais, le bat-robot, quoi. C'est Voilà, dommage. donc à vous de voir hein, si Grayson et merde, Robinson of Batman suffisent à compenser ça. C'est ça. Et ton deuxième titre, c'est... Bah, j'ai vu ça, donc je me dis, ouais, pourquoi pas, Wonder Woman Anthologie. Donc voilà, est-ce qu'il y a besoin bah, c'est sur le même format que ce qu'on a eu pour Batman, Flash, Superman, quoi. C'est un bon point d'accès si tu veux découvrir le personnage. Après, je sais pas ce que c'est en ce que ça donne en termes de contenu, mais c'est une anthologie, quoi. Ouais, enfin, j'ai envie de dire. Oui, enfin. Il aura fallu qu'elle arrive au cinéma pour qu'Urban se décide à lui dédier un bouquin. Mieux tard que jamais, mais oui, Que jusque-là, c'est un c'était peu quand même tard. très masculin, les anthologies. Hein. Même le Joker l'a eu avant elle. Bon, bah, quand on voit qu'il y a une super vilaine anthologie et que Wonder Woman n'avait pas eu la sienne, voilà, il y a quand même un petit problème de priorité. Mais bon, l'erreur réparée, ça sort le 15 avril pour 25 euros. Pour ma part, j'ai choisi quoi? J'ai choisi chez j'allais dire chez Image, non, chez Delcourt, Birthright, le tome 2. Le premier tome était sorti en novembre dernier, donc c'est la suite de cette épopée un peu héroïque fantasy dans le monde moderne, où je vous rappelle que ça commence avec l'enlèvement, enfin la disparition mystérieuse d'un petit enfant. On accuse son père de l'avoir enlevé, éventuellement tué, et puis finalement, quelques mois après, il va réapparaître, sauf qu'il a vieilli de 15 ans. Et qu'il a vécu dans une dimension parallèle des aventures avec des dragons, des créatures, voilà. Très héroïque fantasy. Et pourquoi revient-il? Pourquoi revient-il plus vieux, etc. Qu'est-ce qu'il a vécu? Est-ce qu'il a vraiment vécu ce qu'il raconte, etc. C'est encore très mystérieux et on devra en apprendre plus dans le tome 2, donc j'ai hâte de découvrir ça. Et puis évidemment, Daredevil par Brubaker, tome 1 en deluxe. Enfin, Panini réédite ça en deluxe, donc si vous le voulez, il faut le prendre dès que ça sort. Parce qu'en général, voilà, les deluxe Daredevil, ça reste jamais très longtemps en rayon. Et ça sort le 6 avril pour 29 euros. Et puis le troisième et dernier que j'ai choisi, c'est le tome 3 de Deadly Class de Rick Remender, qui sort quant à lui le 22 avril, voilà, juste après la PCE, mais vous pourrez l'acheter sur la PCE parce que l'artiste est présent. Matteo Scalera. Voilà pour cette sélection VF du mois. Il y a énormément d'autres trucs, hein. J'ai compté pendant que vous parliez, il y a 49 titres en librairie qui sortent ce mois-là. Oh vache. Donc voilà. Et des petits nouveaux au niveau de l'édition, voilà. Doctor Who qui revient aussi. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de choses au mois d'avril. Tiens, j'ai une vidéo qui se lance et tout va bien. Tout va bien. Allez, on va passer au cinéma maintenant. Cinéma, on en a parlé un petit peu dans le, sur nos écrans spéciaux de BVS, mais Hans Zimmer raccroche la cape. Ouais. Bonne ou mauvaise nouvelle? Bah moi honnêtement je m'en fous parce que j'ai un peu l'impression depuis plusieurs années que Hans Zimmer Toujours pareil. se renouvelle pas et que c'est tout le temps la même chose quoi. C'est pas après il fait des bons thèmes mais enfin je crois que j'avais déjà fait la comparaison et je maintiens. J'ai toujours enfin ça se reconnaît complètement Hans Zimmer. J'ai l'impression qu'il part toujours sur le même truc. Alors que par exemple tu prends à côté je sais pas moi John Williams, tu prends Alexandre C'est Desplat et pas la tout. même chose, Ouais, William, mais c'est ce qu'il fait. oui, non, mais Bah, j'espère que Hans Zimmer sait ce qu'il fait aussi. Hans Zimmer, il a dit, il est pas, il a dit lui-même en interview, il n'est pas mélomane. Il connaît rien, il sait même pas ce que c'est une clé. Il sait même pas ce que c'est une clé de sol. Il tape juste sur un clavier et il fait ses musiques. Il a déjà fait ses musiques avec une touche. Je prends le thème de Bane dans The Dark Knight Rises, c'est toujours le même rythme. Hein. C'est pas faux. C'est toujours le même rythme qui revient. En BVF, on a pas mal des comme ça aussi. Ouais. Ah bah, c'est parce que c'est Hans Zimmer. Mais donc... ouais, non, moi ça me. Ouais, après il a fait des bons trucs, hein, mais depuis plusieurs années, j'ai l'impression ouais, qu'il se renouvelle pas assez ou du mal vraiment à voir quelque chose de vraiment de beau, donc ça peut pas faire de mal. Si après, bien sûr, on a. Enfin, si après, c'est quand même un compositeur pas mauvais qui prend la suite, quoi. On verra bien, mais de toute façon. C'est probable que celui qui va le remplacer sera son petit protégé qui commence à monter. C'est Junkie XXL, ouais. Qui a fait Deadpool. C'est son protégé qui monte. Ouais, de toute façon, hein, pour des films comme ça, est-ce qu'on a besoin vraiment? Bah, ça peut. Si, ça peut jouer quand même. Oui, ça fera monter la note d'un demi-point. Bah, je sais pas, tu prends par exemple. Tu prenais Iron Man 1, la BO était excellente et ça, je trouve que ça contribuait vraiment au film. Hein. Ouais, il était chiant quand même. Non, mais oui, ça n'empêche qu'il est chiant, mais n'empêche que heureusement qu'il y avait de la bonne musique parce que je pense que sinon on se fera. Ah bah oui, bah sinon on s'ouvre les veines, c'est sûr, plus de deux heures, enfin voilà. Et ouais. Pour rester du côté de Warner, Ben Affleck aurait déjà écrit son script pour le film Batman. Ouais. Rapide. Bah, c'est en 6 mois. En quoi, c'était cet été, donc ça fait genre 8 mois. Ouais. À 2. Donc il l'aurait écrit, et comment dire, comment s'appelle-t-il Kevin Smith a dit que, ouais, qu'il a l'occasion de le lire et que c'est un script qui mérite un Oscar. Est-ce qu'il a envie de se faire pardonner la review qu'il a fait de BVS? Ah, possible. Ou alors il dit ça en sautant de la gueule de Ben Affleck. Il y a moyen qu'il soit fait, peut-être, il y a moyen qu'il soit fait un petit peu taper sur les doigts par Warner, parce que quelques jours après, il est un peu revenu sur ses propos en disant qu'il avait revu le film et qu'il avait, ah ouais, et qu'il avait trouvé où était l'âme du film, elle était en chaque spectateur qui va. En même temps, le mec, il bosse pour Warner. Sortez les violons, quoi. Je n'ai pas cru une seconde à ce qu'il a dit dans son deuxième propos. Oui, non. En même temps, le mec, il vient de bosser pour Warner sur Flash et il a des projets chez eux. Mm. Donc, bah, il a dû se faire engueuler et il rétro-pédale un peu. Et bien là, ouais. Là il donne carrément un grand coup de langue à Ben Affleck. Ouais, bon. Après, Ben Affleck, c'est un bon scénariste quand même. C'est lui qui avait écrit Argo. Ouais. Oui, non, mais le scénario était très bon. Je sais pas s'il était oscarisé pour son scénario, mais le film a été oscarisé. Ouais, oscarisé. Ah, peut-être pas pour le. Pour le film, oui, ouais. Meilleur film, mais le meilleur scénario, je suis pas sûr. Je sais pas. On va rester sur BVS. Grosse chute, grosse gamelle, on peut même dire, sur le deuxième week-end. Oui. Puisque de 166 millions sur le premier week-end d'exploitation, le film est passé à 52 millions en deuxième week-end. Ça fait mal. C'est une chute de 68%. Et ça va jusqu'à 87% en Chine. Ouais, donc c'est vraiment gros gadin sur le deuxième week-end. Sachez que Man of Steel avait chuté, lui, de 65%, donc il chute un peu plus que Man of Steel, et que Man of Steel, en deuxième week-end, avait fait exactement le même score. Ah bon ? 52 millions. Ah bah, comme quoi ? Mais il n'avait pas fait la même ouverture, et pourtant... Il avait fait 116 sur l'ouverture. Il ne s'est pas rétamé au final. Il a eu un bon score à l'arrivée. Oui, il a eu un bon score, mais peut-être... Peut-être qu'il a duré. Oui. Alors que BVS, à mon avis, ne durera pas. Et je pense que Warner misait beaucoup sur les premières semaines. Donc, clairement, bah, comment on peut expliquer cette chute Bah, les mauvaises critiques. Mauvais bouche à oreille. Pour moi, c'est simple. Hein, ouais. Le premier week-end, c'est les précommandes. C'est les fans, oui, hardcore qui vont voir parce que c'est Batman, parce que c'est Superman. Et bah, derrière, le deuxième week-end, c'est la vérité. C'est l'épreuve de vérité, quoi. Oui, c'est les bouche à oreille, les mauvaises critiques et tout ça. Donc, ouais, grosse. Je suis curieux de voir en France ce que ça donne au niveau de la progression sur la deuxième semaine, mais à mon avis, ça va être du même ordre. Bah, l'article de Hollywood Reporter qui parle de cette chute, il précise pas, mais ils disent que dans la plupart des pays, il perd autour des 50-70%. Dans la plupart des pays. Donc. Mais il a déjà fait plus d'un million et demi en France en une semaine. Donc, on peut le dire sans peut-être trop s'avancer, pas sûr qu'il atteigne le milliard. Non. Non. Il n'atteindra même pas. Non, il n'atteindra pas. Je pense pas. Et pour moi, ne pas atteindre le milliard avec un film avec Batman et Superman dans le titre, c'est un échec. Ah oui, clairement. S'il arrive à 800 millions, C'est déjà bon. Ce sera pas mal, je pense. Voilà. Parce que perdre quasiment 90% en Chine, qui est le deuxième, le deuxième marché, c'est énorme. Donc voilà, gros gadin. Le film, on peut le dire, à 95% de chance de ne pas atteindre le milliard, à moins d'un gros miracle. Surtout qu'il est sorti partout. Il me semble qu'il est sorti dans tous les pays. Et puis surtout, si comme tu dis, pour toi, les 800 millions, ça va être difficile. Je pense, ouais. Là où ça fait vraiment très mal pour la Warner, c'est que Deadpool est devenu ce week-end le plus gros succès de l'histoire de la franchise X-Men, sur le domestique au moins. Et sur le total, il est pas très loin. Et ouais. En plus, c'est le plus gros succès pour un film R-rated aussi. Voilà. Il est pas très loin. Donc, quand t'as un film qui s'appelle Batman v Superman et qui fait à peine plus en recette que Deadpool, faut vraiment se poser des questions, Warner. Surtout qu'on parle d'un budget entre 250 millions et 400 millions pour BVS, sans le marketing. Marketing qui était... En général, le marketing, c'est plus ou moins la moitié, voire le double. Marketing était bien, bien gras et bien présent. Bien fou, oui. Voilà. Ils ont bien insisté, ils ont même fait... Ils sentaient cette chute, ils l'ont senti. Moi, j'ai vu, quand on a vu commencer à voir les chiffres du lundi et du mardi, je me suis dit, putain, c'est mauvais pour le film. Puisqu'ils ont commencé à faire des spots télé en disant « Movie number one in the world », etc., pour bien insister que ça marchait, que ça marchait. Et au final, non, ça n'a pas... ces spots-là n'ont pas pris. Et ce week-end, j'ai vu plein de publicités pour le film au cinéma, alors que avant j'avais quasiment pas vu les bandes annonces, et là il y avait plein de spots Gotham et Metropolis au cinéma, comme s'ils te montraient pas trop d'images du film pour faire genre non, même pas trop en dévoiler. C'est déjà tout dévoilé, donc c'est ce qui dévoile le plus. Non mais pour pas que les gens disent oh non ça a l'air pourri ou quoi, on va te mettre un petit spot sympa pour essayer d'attirer la curiosité. Voilà, donc bah pour moi gros échec pour la Warner, clairement le grosse plantade pour le film vu les scores qu'il va faire au final, même si ça reste énorme de faire autant de recettes. Ouais. Mais encore une fois, comparons à ce qui se fait à côté et au titre du film. Ils s'attendaient largement plus que ça, je pense. Je pense qu'ils avaient déjà sabré le champagne pour le milliard dans la semaine. Oui. Mais c'était au frais et tout ça. Bah écoutez les gars, faudra attendre. Faudra le ranger là. Ça, faudra le ranger et puis il faudra peut-être comprendre que Snyder c'est pas le bon mec. Mais bon. Allez, on va parler de comics de vrai cette fois, des comics VO. Dead No More, alors c'est le fameux histoire sur Spider-Man qui va avoir lieu cet été, où on sait que un ou des personnages morts vont revenir. Plein de teasing cette semaine, on a enfin une grande frise qui nous dévoile un casting assez impressionnant de potentiels ressuscités. Donc ça va de Gwen Stacy à l'oncle Ben, en passant par Octopus, qu'est-ce qu'on a? On a Scarlet Spider aussi, enfin, on a plein de... Scarlet Spider, ça je connais pas. Plein de personnages qui sont morts plus ou moins récemment dans la carrière de Spidey et qui sont tous sur ce teasing. Donc, lequel ou lesquels vont vraiment revenir, on ne sait pas. Ça commence dans le FCBD. Ça commence dans le FCBD. Ouais, je sais pas, je suis un peu partagé là-dessus. Hein. Je suis pas très emballé. Par contre, ce qui m'a bien fait rire, c'est Vladimir Poutine qui devient un super vilain dans l'univers Valiant. Sérieux? Ça, c'est drôle. Ça. Ah, super, non, mais il devient un vilain en tout cas. Oui. Voilà. Dans l'univers Valiant, dans Divinity 2, donc une nouvelle mini-série suite à Divinity, qui sortira cet été. Donc, on a vu les premiers visuels avec la tête donc, de Vladimir Poutine sur les planches. Et donc, voilà, il sera un vilain dans cet univers-là. Je trouve que le troll est assez magnifique. Ah, ça change pas beaucoup. Non, ça change pas, non, ça change pas beaucoup de la vraie vie. Mais fallait quand même avoir le courage. Oui. Et puis, quand on va fouiller un petit peu sur Amazon et sur plein de sites de vente de bouquins, etc., comme l'a fait Bleeding Cool ce week-end, on tombe sur la liste de tout ce qui est prévu chez DC d'ici la fin de l'année. Je sais pas si vous avez jeté un œil sur l'article. Ouais. Il y a du très très lourd quand même qui va sortir, des choses, des rééditions qu'on attendait depuis assez longtemps. Donc tout ce qu'on va vous dire là va arriver entre juin et janvier 2017. Hein, donc vous avez le temps. Notamment un omnibus flash de Francis Manapul et Brian Buccellato. Ah ouais. Les 25 premiers épisodes du New 52. Qui je crois en plus coûte $50, un truc comme ça. Enfin c'est. C'est pas ou alors $50, c'est le prix de la preuve auquel il est sur Amazon en ce moment. Bref, voilà, il est pas très cher pour un truc de 25 épisodes. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi concernant les New 52? On va avoir aussi un box set, un coffret des trois premiers TP de Scott Snyder et Greg Capullo sur Batman. Ouais. D'accord. Trois premiers TP, donc à peu près 15-16 épisodes, et là aussi $50. Vous voyez la différence de prix. Ouais, moi leur place. À ce compte-là, puis pourquoi le faire que les trois premiers dans oui, un coffret? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Pourquoi faire les trois? Tu mets tout ou tu mets rien, mais tu fais pas un coffret avec trois tomes. C'est ça. Bref, ce qui est intéressant, c'est surtout les rééditions qui vont sortir des omnibus concernant Wonder Woman, concernant les Teen Titans, concernant Starman, concernant le Silver Age de Flash. Donc, pas mal de choses qui rappellent un peu et qui sentent bon l'ancien. Et puis pas mal de grands runs. DC commence à. Je pense que DC aime bien les collections d'Urban. Geoff Jones présente, machin, tout ça, et a bien vu que aussi du côté de Marvel, le regrouper les séries par run, ça marche bien. Donc ils s'y sont vachement lancés récemment, et on sait qu'on va avoir les deux volumes de Supergirl par Peter David, Bien ça. Batman par Brian K. Vaughan, où ils vont rassembler tous les épisodes Oh. écrits par Vaughan dans lesquels Batman est intervenu. Sérieusement? Je savais pas qu'il avait écrit pour Batman. Il a fait trois numéros de Batman, un numéro de Detective Comics, deux numéros de Wonder Woman dans lesquels Batman apparaît, et puis un one shot. Et tout ça sera regroupé dans un TP. Et un omnibus genre Morrison, c'est pas envisageable, non? Oh, peut-être plus tard. Peut-être plus tard. On aura aussi DC Universe by Neil Gaiman. Oh. Donc tout ce que Neil Gaiman a fait sur DC Universe dans un seul relié. Le deuxième volume de Batman par Ed Brubaker, je crois que le premier vient de sortir. On aura aussi un Flash by Francis Manapul Unwrapped Oh. qui va collecter les 25 numéros donc en crayonné. Ah, ça va être beau, ça. Pas mal. Donc il y a moyen que ce soit très très beau. Ouais. On aura le premier volume de Flash by Mark Waid. Donc le run de Mark Waid sur Flash, premier volume qui va sortir en TP. On aura le troisième volume en souple de Flash by Geoff Jones. Décidément, Flash a droit à plein de mises en avant. On aura l'intégrale de Batman and Robin par Grant Morrison, les 16 numéros de la première série Batman et Robin avec Batman The Return. Ça, c'est cool, ça. Ouais, on aura les 15 numéros de Green Arrow by Kevin Smith. On aura aussi du Checkmate. On aura Batman Two-Face par James Robinson, qui était avant les New 52. On aura le premier volume de Teen Titans par Geoff Jones. Oh, Donc ouais, voilà, du lourd. il y a quand même beaucoup de choses qui vont sortir, tout classé par artiste, et surtout des choses qui sentent bon le pré-New 52. Oui. Comme par hasard. Donc décidément une deuxième partie d'année où on va encore une fois accentuer sur les choses un peu du passé et ramener des trucs qui étaient un petit peu difficiles à trouver et qui avaient plutôt bien marché, qui ont bonne réputation, parce que tous les runs dont on vous a parlé, là quand même, c'est des choses qui ont plutôt très bien marché. Donc. Et voilà, tout revient en TP. Bien. C'est pas mal tout ça. Et puis en plus, voilà, les rééditions, genre les volumes de Supergirl par Peter David, ouais, en général, c'est 19 $, hein, les TP comme ça. C'est entre 19 et $30 grand max pour les trucs qui sont quand même assez épais, entre 200 et 400 pages, donc C'est pas cher. ça vaut toujours le coup. Ouais. Voilà pour les comics VO, ben, pas grand-chose. Est-ce que quelqu'un a lu le Captain America, Sam Wilson, Captain America numéro 7, qui est sorti mercredi? Pas du Ah, tout. c'est le écrit par Whedon. Oui, celui avec l'histoire de 8 pages de Whedon, il y a une histoire de Greg Rucka aussi, une histoire écrite et dessinée par Tim Sale aussi. C'est bien. J'ai lu que les trois histoires courtes, donc celle de Whedon, celle de Rucka et celle de Tim Sale. Ouais, c'est plutôt sympa, c'est plutôt un hommage sympa à l'esprit, à ce que représente le Captain America. Donc c'est plutôt pas mal, c'est très, comment dire. Je perds mes mots décidément ce soir, c'est très anecdotique, hein, ça va pas bouleverser la continuité du personnage, mais. C'est quand même intéressant. Il y a des petites choses intéressantes sur ce que représente Captain America dans l'histoire de Joss Whedon. Par exemple, on veut remplacer le bouclier de Captain America par un énorme fusil mitrailleur. Et Captain America bah, va se battre contre ça et expliquer pourquoi non. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et puis bah, l'histoire principale, je ne l'ai pas lue parce qu'elle est liée à Standoff que j'ai encore pas commencé. Sachez juste Ah. qu'il se passe quelque chose de très important à la fin de cet épisode, mais on pouvait s'en douter vu ce qui avait été annoncé sur les prochains numéros de Captain America. Voilà. Ah mais du coup si j'ai pas lu les épisodes précédents, ça sert à rien de lire celui-ci. Bah moi, je pense qu'il est lisible tout à fait. Voilà, parce qu'il y a à peu près 8-10 pages avant que commençait vraiment l'épisode. J'ai l'impression qu'il résume un peu ce qui s'est passé avant. Et puis après, on attaque vraiment le gros de l'épisode, de la série en cours. Donc je pense que ça peut être lu par n'importe qui, même si on n'a pas suivi récemment les événements. Mais comme moi, je veux lire Standoff, j'en entends beaucoup de bien, donc j'ai envie de le lire. Voilà. Et comme ça, c'est un tie-in, je veux pas le lire pour être spoilé sur des choses que j'ai pas encore lues, donc je garde ça sous le coude. Mais voilà, j'ai quand même vu la dernière page et le cliffhanger, et effectivement, voilà, c'est un gros événement. Voilà, bon, on arrive au terme de ce programme plutôt court hein, pour ce qui concerne le MAC de cette semaine. On va terminer en vous parlant d'un petit jeu. Il y a les 48 heures de la BD qui ont eu lieu le week-end dernier. Donc c'était, je vous rappelle, une sélection de 14 BD. Ça représentait 230 000 BD qui étaient vendus à 1 € pour la bonne cause, hein, puisque les recettes de cette vente de 230 000 BD, donc 230 000 €, allaient servir à distribuer des BD dans les écoles. Donc c'était, non seulement on avait des BD pas chers, mais en plus on faisait une bonne action. Et parmi tous ces trucs-là, il y avait Harley Quinn tome 1 de Urban, qui était proposé à 1 €. Alors, un volume avec 9 épisodes d'Harley Quinn à 1 €. Ça vaut le coup. Vous vous doutez bien que c'est parti très très très très vite, hein. Ah bah oui, tu m'étonnes. Mais comment dire, on est sympa. Nous avons un tome à offrir, nous avons réussi à récupérer. Pour l'avoir, tout simplement, il faut écrire un mail, redac@comicstories.fr, REDAC pour redac, ne mettez pas l'accent, ça ne sert à rien. Donc redac@comicstories.fr, où vous avez juste à nous donner le nom des deux scénaristes de la série Harley Quinn, et le premier à nous envoyer ce mail-là recevra chez lui le tome 1 d'Harley Quinn, version 48 heures de la BD. Tout simplement. Donc je vous rappelle le mail, redac@comicstories.fr, vous mettez juste le nom des deux scénaristes de la série Harley Quinn concernés par les 48 heures de la BD, donc la série en cours. Et bien, si vous êtes le premier, vous recevrez ce tome chez vous dans les jours ou semaines qui viennent. Plutôt facile. Oui, mais il faut être rapide. Faut être rapide, et puis voilà, c'est une petite prime un peu aux auditeurs. Voilà, ce petit jeu ne sera ni relayé sur Twitter, ni nulle part. Voilà, ce sera juste pour vous qui nous écoutez. Donc voilà, manière un peu de vous remercier aussi de votre fidélité. Donc si vous n'avez pas pu choper ce tome à 1 €, ben, vous avez une occasion, vous avez une chance. Enfin, peut-être qu'il y en aura d'autres, on ne sait pas. Les prochains rendez-vous, jeudi, sur nos écrans 49, Il Ragazzo Invisibile. Enfin, on va vous parler du film de 2015, enfin sorti en 2015 en France, mais en 2014 en Italie, je En crois. Italie. Et puis, prochain mag, c'est le 12 avril. Sachez que on va faire notre petit instant prostitution. Le numéro 200 du Comic Stories est toujours dispo. Vous êtes déjà super nombreux à l'écouter. Voilà, vous êtes plus nombreux à avoir écouté ça qu'à avoir écouté Batman v Superman ou Daredevil saison 2. Donc voilà, Ah l'intérêt que vous portez pour nos conneries semble réel. Et ouais. Dieu sait qu'il y a des conneries dans ce numéro 200. On a beaucoup ri à le faire, j'ai beaucoup ri à le monter. Et visiblement, il y a quelques retours de personnes qui se sont bien amusées aussi à nous écouter. Donc ben, voilà, il est toujours disponible, évidemment. Vous avez évidemment aussi notre débrief concernant Batman v Superman. Débrief un peu musclé. Bon, j'avoue, je me suis un petit peu emporté à quelques moments. Un peu. Et puis, si vous voulez nous entendre dire du bien de quelque chose, vous avez aussi le bilan de la saison 2 de Daredevil. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, questions sur les émissions, sur des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, etc. Vous avez donc le mail redac@comicstories.fr, Twitter, Facebook, tout ça, tout ça. On vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve donc jeudi pour parler du garçon invisible. D'ici là, bonne lecture et à bientôt. Salut. Salut.